Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Oui, bonjour et bienvenue et merci d'avoir pesé sur Start. Vous êtes dans la barrique numérique avec les frères Cassette, là où les jeux vidéo et la bière se rencontrent sans bug. Ni glitch. On a failli en avoir un. On hein? a failli en avoir un drôle. Hey boy, hey, mon cher Gaétan, devine quoi? Je sais pas, ta vasectomie s'est bien passée? Super bien passé, ouais, les taxes sont encore en place, je les sens même pas. Ah, c'est bon, mais... Faut juste pas que tu te les ponges dans un crochet, des fois c'est fatigant. Ouais, c'est ça, ben là ils m'ont donné un zip secondaire, comme ça j'y ai accès, puis je peux les replacer au besoin. C'est bon, ça c'est correct. Mais c'est plus une nouvelle relative avec la barrique numérique, on est maintenant rendu à notre 10e épisode! J'aurais pu ressortir le gazou, mais je l'ai garé dans l'âne. Je sais pas, ça aurait pris un. Tu sais, les horns pour les clubs, là, genre. Ah, le... point, point, ouais. Ouais, ouais, sauf que c'est, on n'a pas assez de sang jamaïcain en nous pour pouvoir non, s'en servir puis pas se faire tirer dessus. Non, donc, on pourrait se faire traiter de raciste en plus. Tu sais. On pourrait, mais on pourrait aussi se faire traiter de rasta. Aussi, ça dépend comment tu le vois et de quel bord que t'es. C'est t'sais. Ça. Du même ou d'une autre, on serait dans la merde finalement. Oh, ouais, c'est une question de T. Tu le mets-tu avant, au milieu ou à la fin? Ah, écoute, je veux pas m'embarquer là-dedans. Là. On a déjà assez de problèmes dans la vie. Mais, fait que tout ça pour dire, c'est le 10e épisode de la barrique numérique. On est bien content que vous soyez toujours avec nous. Ouais, c'est déjà surprenant que vous ayez pas déjà tout sacré votre camp pour aller voir ailleurs. Mais écoute, on vous aime. Il y a un gars qui a dit qu'il était tanné de payer dans le vide. Moi, j'ai jamais vu une scène, fait que je sais pas de quoi il parle. Non, c'est ça. Le jour où je vais voir une scène arriver pour la barrique, là, ça va être spécial. Parce que pour là, tout ce qu'on fait, c'est dépenser. Ouais. On a toujours pas de commanditaire, puis je me demande bien quand est-ce que ça va arriver. Hein? Allez, gars. On fait pas de message. Non. Ah, c'est vrai, les clins d'œil, ils paraissent pas à la radio. Hein? Ouais, ben il aurait fallu que je change de micro pour qu'on entende ton style dans le vent. C'est vrai, on n'a pas mic'é mes yeux tantôt. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas de budget pour des bons microphones ici. On y va avec les moyens de la grange. Ça fait que, 10e épisode, ben y a rien vraiment de spécial. On va continuer à faire nos critiques de jeux vidéo accompagnées d'une bière de la microbrasserie québécoise, ce fabuleux milieu en pleine expansion puis en plein de belles choses qu'on aime tant. Ben exactement, ça s'est juste amélioré depuis le premier épisode, fait que tu sais, hein? Pourquoi ne pas continuer sur cette belle lancée? Ben, c'est ça. Hein? Ça fait que, ben, on a regardé pas mal là, la bibliothèque des jeux qu'on a, toi et puis moi. Puis, on s'est rendu compte qu'il y en avait un qu'on avait comme pas mal joué, puis comme pas mal fini aussi. Ouais. Puis, en prévision d'un pre-sequel qui va paraître à l'automne, on s'est dit pourquoi pas jouer à Borderlands 2 et de le critiquer ici. Ben, exactement. C'est un jeu qu'on a tous les deux vraiment apprécié, puis on s'en est parlé déjà énormément. Puis comme il n'y avait pas beaucoup d'autres jeux qu'on avait sur notre liste de compatibles pour le moment, puis Dieu sait qu'il n'y a pas grand-chose qui est sorti récemment, on s'est dit pourquoi pas retourner dans un bon vieux classique puis aller full on Borderlands. Absolument, puis il n'y a rien qui nous retient justement d'aller dans le passé comme ça parce que c'est le fun. Parce que c'est le fun, puis parce que c'est nous autres qui décident, c'est bol, si vous êtes pas content. Hein? Ben c'est ça, manger dans tout un char de boîte. C'est ça. Fait que de mieux hein, pour accompagner Borderlands 2 qu'une bière qui s'appelle l'Archange. Ben oui, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Angel. Si vous avez pas joué à Borderlands, vous comprenez aucunement le lien. C'est absolument votre problème aussi. Ben aussi, puis surtout le fait que ben on s'entend qu'il y avait pas vraiment d'autres bières qu'on avait trouvées au dépanneur qui avaient un lien plus fort que ça, fait que... Pff, on aurait pu prendre plein d'autres affaires, mais ça aurait été moins le fun de faire la portion lien avec la bière. Fait qu'on est allé avec la celle qui avait le plus de liens. Puis en même temps, on n'a toujours pas couvert le Bill Bucket, à ce que je sache, donc... Ouais, effectivement, fait que c'est une première pour nous, une bière du Bill Bucket. Donc, Bill Bucket, sais-tu, ça vient d'où, toi? Moi, ça dit ici, rue... Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, ben oui, c'est écrit. En tout cas, ils ont un site web. Va pas chercher plus loin. Non, pas nécessairement. Fait que l'Archange, qui est une bière blanche... Qui est une Hefeweizen. Hefeweizen à 5% d'alcool dans une belle bouteille qui suinte en ce moment parce qu'il fait chaud dans nos studios. Oui. Ça, c'est juste un petit problème technique. Là. Ouais, c'est un détail. Ça. Et comme il fallait bien que la vie se passe, tous mes verres de bière se sont plus ou moins cassés. Fait que je reçois Gaétan dans la grange à soir avec des beaux verres neufs. Ah, écoute. Du trop du diable et du naufrageur. Lequel tu veux? Ah, comme tu sens, écoute, c'est toi l'autre. Ben, je vais te laisser le petit. C'est bon. Hein? Puis moi, je vais prendre l'autre. Fait que c'est des verres que vous pourrez voir sur notre Twitter aussi. Je suis déjà content que tu me fasses pas boire dans les seaux à pépis des chevaux parce que ouais, ça aurait pu. Ça s'est déjà passé. Tu le savais juste pas. Ben, ouais, il y a ça. Puis il y a aussi le petit pas fin qu'on y avait fait boire là-dedans. Mais en fait, c'est pas vrai. Tu l'as su une semaine après quand t'as commencé à avoir des rougeurs sur le corps. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Ouais, on ira pas. Ouais. Ça fait qu'on vient avec le pchit. Hein? 1, 2, 3, 8. Oups, ok, on a un accident, tout va bien. Faut croire qu'il y avait une des deux bouteilles qui était plus brassée que l'autre. Celle dans mon sac, faut croire, la ride de cheval jusqu'au studio, elle s'est mal passée, on dirait. La ride de cheval, c'est jamais bon pour une bière. Fait que, écoute, je peux te dire qu'elle sent très bon en ce moment. Ben oui, je pense que tu aurais peut-être pensé à nettoyer ça. Puis je peux te dire qu'elle a une belle température sur mes cuisses. Non, c'est ça. Alors, check, je vais m'en verser un petit verre pour au moins goûter. Pourquoi puis pendant que tu critiques cette bière, je vais aller me changer. Mettons peut-être. Ben tu sais, je vais commencer par en mettre dans le mien aussi. Ouais. Fait que pour une blanche, moi je trouve qu'elle est quand même, en tout cas pour ma part, relativement opaque. C'est-à-dire, elle laisse pas beaucoup passer la lumière. Tu vois, je pense que c'est vraiment juste ta bière, que, vu qu'elle vient d'être vraiment brassée, parce que la mienne est parfaitement translucide. Translucide, oui. Je suis comme triste en ce moment, là. C'est la première fois que ça arrive, puis ça, c'est la magie du direct, hein? On peut ben pas écoute, contrôler ça. Non, ça, puis on s'entend que c'est du direct différé, mais c'est du direct pareil, c'est parce que nous autres, faire du montage... Ah, on sait ce que c'est pareil. Fait que, écoute, prends ta gorgée, je reviens. Ben, écoute, je prendrai pas ma gorgée parce que t'es parti. Fait que je peux pas juste prendre une gorgée et laisser un vide. Fait que pendant que Gilles s'en va faire ça, ben, c'est ça, Borderlands 2, c'est un jeu qui est sorti, ça fait 2 ans, si je me trompe pas. La suite de Borderlands 1, qui était un jeu qui, je dirais, assez original, mais en même temps, c'est que ça mélangeait un peu Diablo et Mad Max, chose qu'on voyait pas souvent avant. Donc, de prendre un style RPG dans un monde post-apocalyptique, puis que ce soit un shooter aussi à la première personne, c'est un peu particulier. Le premier Borderlands, il était quand même très intéressant. Moi, je me rappelle avoir joué puis avoir bien aimé. Mais ce que j'aimais moins, c'est que c'était très brun, c'était très gris. Malgré l'effet cartoon, il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Chose qui a été remédiée avec Borderlands 2, où c'est une explosion de couleurs tout le temps. Chaque monde est plus coloré que les uns que les autres. Puis, bon, écoutons, t'es en train de ramasser comme du monde, toi. Écoute, c'était mes salopettes préférées qui viennent d'être humectées comme ça, je dirais. Ah, écoute, c'est des belles salopettes. Hein? Ah, ouais. Des petites salopettes en jus. Un beau cadeau de ma tante Maurice. Et j'ai bien dit ma tante Maurice. C'était mon oncle Maurice juste avant son opération. Ça a mal viré. C'est ça, c'était ses anciennes salopettes, faut craire. Non, mais tu sais, on s'entend, il est allé pour se faire enlever genre une pierre au rein, puis il ressortait de là en femme, c'était pas clair. Là. Mais tout ça pour dire, donc... Plus jamais on va aller à la clinique du village. Non, c'est ça, puis il n'y a pas de changement de sexe dans Borderlands, fait que vous oubliez ça. Mais, contrairement à Saints Row. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, fait que Borderlands 2, en fait, c'est tout ce que le 1 était, mais en plus, finalement. Donc, ça a tout pris les mêmes concepts, puis ça a décidé d'expandre là-dessus, ce qui est vraiment très intéressant. Oui, ben écoute, je t'écoutais, là, quand j'en viens de me changer, puis effectivement, le 1, c'était une expérience de jeu vidéo vraiment très plaisante. C'était enfin un first-person shooter qui était long, qui était pas dans des corridors, qui était pas trop axé sur le... va là puis fais ça. Oui, il y en a, mais au moins, on a une certaine ouverture dans tout l'univers puis dans le monde. Puis avec ça, ce que ça nous permettait, c'était de vraiment développer son personnage, d'où l'aspect RPG du jeu. Au niveau des couleurs, bien d'accord avec toi, le premier, il était pas mal sur la même palette, là, tu sais, l'espèce de côté gauche là, quand tu vas dans la quinquerie pour tes choix de couleurs de peinture. Mais là, pour le 2, ils sont allés avec tout le mur au complet des échantillons de couleurs pour la psycho. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment bien le fun. Non, c'est le fun. Puis c'est en partant, tu vois que c'est un univers complètement différent. Tu commences le jeu dans une grosse tempête de neige, c'est bleu, c'est blanc. C'est des palettes qu'il n'y avait pas dans le premier, puis ça frappe en partant. Fait que ça, c'est vraiment cool. Effectivement. Fait que en gros, c'est quoi l'histoire? Ben, ça se passe sur la planète Pandora. Une planète dont on ne sait pas trop où exactement se situe dans l'univers. Et la planète elle-même aurait en son sein un vault, ouais. Un coffre-fort, si on en traduit ainsi, et qui comporterait le plus gros des trésors quelconques. On incarne un Vault Hunter, c'est-à-dire un personnage qui arrive sur la planète pour faire la pièce, ouais. Trouver le vault et ainsi devenir riche. Mais là, le problème avec Borderlands 2, c'est que quelqu'un d'autre a eu vent de la présence du Vault et est venu s'installer avec sa corporation qui s'appelle Hyperion, ouais. Pour prendre ainsi le contrôle de toute la planète et empêcher toute autre personne de trouver le Vault ou bien de s'en servir pour le trouver pour son propre profit. Ouais. Fait que ce qui se passe, c'est que on va devoir se battre contre des hordes et des hordes de autant des méchants qui sont... tu sais, normal, oh, tu sais, les seuls qui habitent dans le monde, là. Et puis toutes les sbires du méchant principal. Non, c'est ça, c'est dans le monde, c'est un peu des clans qu'il y a, tu sais, ouais. Différents types d'ennemis qui appartiennent à différentes factions, puis ça rajoute un peu de comment dire, de variété dans le choix d'ennemis. Absolument. Mais ben, c'est-à-dire que la variété est pratiquement sans fin, surtout quand on finit puis on recommence. On y reviendra. Ouais, ça aussi. Mais tout ça pour dire que le méchant, c'est Handsome Jack. C'est lui le boss de la place. Puis il est pas trop content à ce que t'aies, un, survécu. Ouais. Et deux, continuer à faire ta job. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est pas un spoiler. Parce que je pense que c'est l'intro du jeu, finalement. Ouais. Tu arrives sur la planète, t'es en train. Puis lui, Handsome Jack, fait sauter le train. Donc, ça, avec le but de tuer tous les Vault Hunters qui sont dans le train en même temps. Parce qu'il reconnaît la menace en eux. Non, c'est ça. Puis c'est ça. Fait que tu survis, puis tu te réveilles, puis c'est là que l'aventure commence. Puis sûr qu'au début, c'est vraiment progressif au niveau de l'histoire. Tu te réveilles, puis comme le joueur qui joue, il sait pas trop ce qui se passe. C'est qui le bon, c'est qui le méchant, c'est pas trop clair. Ouais. Puis c'est au fur et à mesure, la première mission, c'est ça, c'est d'établir tous ces concepts-là. Puis vraiment faire une bonne petite intro. À ce que ça va être, là. À ouais. Ce que ça présente. C'est pas long qu'on tombe dedans parce que une fois là, que Claptrap, ça c'est comme ouais. Le meilleur personnage ever, là, on reviendra après parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages. L'aspect narratif du jeu est bien plus qu'intéressant. Mais une fois qu'on sort de la maison de Claptrap, on est déjà en possession de quelques armes à feu et les ennemis commencent à arriver. Je pense que c'est juste un fusil quand tu sors de la maison de Claptrap. Ah oui, juste un pistolet. Ouais, right? C'est ça. Dans le fond, tu commences à avoir d'autres fusils après la première mission quand tu tues le premier simili boss. Ouais. Mais non, c'est ça. Puis à partir de là, ça débloque vraiment. Puis t'as un open world. La première partie est vraiment hyper linéaire justement pour bien établir les concepts de jeu puis comment ça ouais. Se joue. Puis, c'est très bien fait quand même. Avec un petit peu d'autodérision, ce qu'on aime faire, c'est rire de toi. Là. T'as vraiment besoin de regarder là. Ah, maintenant, t'as vraiment besoin de regarder là. Puis ok, maintenant, ça c'est fait puis on va passer à autre chose. Es-tu capable de sauter? Ok, bravo! Non, c'est ça. Mais une fois qu'on arrive dans le monde, les mécaniques ne changent absolument pas. Mm. Sauter, courir, regarder, tirer, tout fonctionne de la même manière, autant que dans le 1 que dans celui-là. Et puis, les ennemis, écoute, là, c'est pas juste la variété, c'est aussi la quantité parce qu'il y en a un sharp et une barge. Ah, c'est des vagues et des vagues et des vagues et des vagues d'ennemis. Oui. Ça arrête pas. Puis c'est ça qui fait un peu le fun du jeu, c'est du grinding parce que c'est un RPG. Absolument. Mais en même temps c'est fait de façon à ce que je sais pas, c'est pas fatigant, c'est toujours de l'action qui s'amène dans ta face, puis il y a toujours de quoi tirer, il ouais. Y a toujours de quoi regarder, c'est de l'action qui est assez cartoonée, donc qui est très plaisante à regarder, je dirais. Ouais. Moi c'est l'explosion de couleurs comme tu disais qui m'a vraiment émerveillé dans ce jeu là c'est le fun de faire des headshots, mais c'est le fun aussi de faire exploser d'autres bébites qui ont certains éléments en elles qui cracher du jus orange partout. Ah, écoute, ça c'est le fun. Fait que les ennemis, ça passe de quoi, hein? C'est, ben, on a des humains de toutes sortes. Fait qu'on ouais. A les midgets qui reviennent. Fait que c'est plein de petits nains qui te courent après avec une hache ouais, ou bien avec des masques de hockey. Des masques de hockey. Il y en a qui ont des 12 aussi, sont assez violents. Oui. Des êtres humains de taille normale. Il y en a qui sont un petit peu plus bruts. Il y en a qui vont te courir après aussi avec des machettes puis des guns. Après ça, on arrive dans des classes plus grosses. Là, on a des nomades, on a des badass. Ouais. Les badass qui sont en fait une variété plus puissante de chacun des ennemis. Ouais, c'est dans le fond, c'est le même archétype d'ennemi, mais plus dur à battre. Puis un petit peu plus gros aussi, si je me trompe pas. Ouais, il me semble. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Ouais. Il va se battre de la même façon, puis ça va être plus dur à vaincre. C'est ça, ça va être plus long à le tuer. Là, puis en fait, la paye est aussi le fun, par contre, quand on finit par l'avoir, parce que ce qui est le fun, c'est ça, c'est d'arriver à détruire cet ennemi-là et puis de réclamer son butin. Ben oui. Et puis, c'est cela. Puis, il y a un autre ennemi qui me vient en tête aussi, les Goliaths, qui est tout à fait nouveau puis intéressant aussi. C'est des espèces de gros bedonnants, un peu comme mon oncle. comment est-ce qu'il s'appelait? On le voyait pas souvent, lui. Gontran, c'est ça, c'était mon nom, Gontran. Gontran, ben, tu sais, il était à peu près habillé pareil, là, avec le t-shirt un peu pas propre, puis les petites bretelles. Avec les taches de graisse, puis. Exactement. Puis, l'affaire avec le Goliath, ben, contrairement à mon oncle Gontran, là, c'est qu'il y a un masque de métal sur la tête. Puis, si on y tire dessus le masque part. Et puis là, il devient en mode rampage. Je suis pas mal sûr que si t'avais envie le masque de métal à mon oncle Gontran, il aurait fait la même chose. Ah ouais, comme Bane style? Il était spécial. Ah, mais ouais, non, c'est comme ça que ça marche pour les Goliaths. Et puis le plus longtemps qu'il reste dans un mode rampage et le plus d'ennemis qu'il tue, parce que quand il est en mode rampage, il attaque tout le monde, gentil ou méchant. Donc le plus d'ennemis qu'il tue, le plus qu'il va level upper lui-même vers... un état de pure folie extrême, meurtrière, sanglante, où est-ce que ça va devenir quasiment un boss à ce moment-là. Oh, et en rendu là, tu veux le tuer le plus vite possible justement pour pas qu'il se rende à ce point-là, tu sais. Ouais. Fait que ça rajoute beaucoup, beaucoup de challenge. Ah oui, ça, pour en rajouter, ça en rajoute en maudit. Ouais, mais il y a rien de mieux que, en tout cas, pour passer à travers ces challenges-là, qu'une panoplie d'armes infinies. Ben c'est ça, Borderlands, le gros du jeu, c'est le loot, c'est les fusils, c'est les armures, c'est tout ce que tu peux trouver finalement. Fait que, comme je dis, c'est un peu à la Diablo, tu vas tuer des ennemis, il va y avoir du loot qui va dropper, tu prends le loot, tu l'équipes, c'est toujours, plus ça va, plus que c'est du meilleur loot, puis t'as des classes un peu... à la World of Warcraft, tu vas avoir une arme, mettons, blanche, que c'est une arme ben basique, qui a rien de spécial. T'as vert, t'as mauve, t'as jaune. Ouais, la classe de la rareté. Ouais, c'est ça, la rareté qui fait. Puis plus que c'est rare, plus que c'est bon. C'est sûr que ça dépend toujours du style de jeu, parce que encore là, chaque arme va avoir une spécialité dessus. Fait qu'il y en a qui vont dire qu'il va avoir, mettons, je sais pas, des balles de feu qui explosent, mettons. Ouais. Si toi, c'est pas ton genre de jouer avec ce type de balles-là, ben tu vas vouloir prendre un autre gun. Ça. C'est ça. Toutes les classes d'armes. Oublie les classes. Il y a des compagnies de guns dans le jeu. Puis chacune des compagnies a son propre perk. On prend par exemple les guns Torg. Eux autres vont tout le temps utiliser des balles explosives. Ouais. Si on y va par exemple avec les Jacobs, eux autres c'est comme à la méthode des revolvers dans le Far West. Fait que peu importe la vitesse à laquelle tu appuies sur la gâchette, les balles vont sortir. Non, c'est ça. Puis ainsi de suite. Fait que c'est très intéressant parce que ça va vraiment chercher chacun des côtés différents de gameplay qu'on aime avoir avec un shooter. T'as une compagnie de guns que j'ai oublié c'est quoi le nom, mais que quand tu t'as vidé ton clip de balles, tu pitches le gun littéralement pour le faire exploser, puis en un autre, tu matérialises dans tes mains. TDR. C'est la meilleure chose ever. Et à savoir aussi, le gun va générer une explosion plus forte dépendamment de la quantité de balles restantes dans le gun au moment où tu décides de faire ton reload. C'est ça, si tu décides de faire un reload manuel, tu peux juste littéralement pitcher ton gun, puis il va exploser. Comme une grenade, là. Oh, ouais. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ça a été une des armes que j'ai utilisé le plus, genre comme petit genre handgun, là. Très pratique. J'avais toujours un gun de cette compagnie-là pour pouvoir changer de pitcher, puis non, c'est ça sauve les fesses en maudit. Absolument. Hey, je regarde là, toi t'as une bière dans les mains, moi j'en ai une, elle a pas la même couleur, mais on va quand même faire notre chin, puis on va écouter, puis on va en parler. Parce que pas fait de chin ben. Il va falloir qu'on compare, parce que moi j'ai une bière qui est opaque, puis la tienne est quand même claire. Fait que je pense que c'est dû au fait qu'elle t'a explosé dans les mains. On dirait que je suis comme plus sûr, j'ai pas l'impression de consommer le produit complet. Ben écoute, je sais pas quoi dire. Je suis perplexe en ce moment. Moi, je pense que c'est juste une question là-dessus, mais sinon, ça doit pas mal goûter à la même affaire. Mais non, je trouve ça bien. C'est pas super goûteux. C'est le genre de bière genre rafraîchissante que tu bois l'été sur une terrasse, tu te casses pas trop la tête, puis ça coule bien, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est une blanche qui je trouve, est plus balancée que d'autres blanches que j'ai déjà bu dans ma vie. Ouais. Le petit côté des céréales est là, mais il n'est pas trop présent. Puis il reste pas en arrière-goût aussi, donc c'est assez intéressant. Assez velouté dans la bouche. Ouais. Moi, elle fait de la broue en ce moment, malheureusement, à cause de l'incident précédent. Dans ton cas, ça se dissipe bien. Ça laisse pas de cernes sur le bord du verre, c'est le fun. Non, c'est bien. Comme je dis, c'est... On dirait là, je suis pas habitué parce que récemment, j'ai bu beaucoup de la genre de la IPA puis de la saison puis des trucs de même. Des bières plus robustes, mettons. C'est ça, voilà. Fait que sûr que là, j'arrive avec ça, je suis un peu moins... je sais pas, ça me prend un temps d'adaptation, tu sais. Mais non, c'est bien. Comme je dis, c'est une petite bière tranquille que tu bois, tu te casses pas la tête. Ouais, quand tu veux quelque chose qui va juste bien passer puis que t'as pas à dealer avec un goût qui te punch en face. Là, effectivement, ouais. Bien bonne, bien balancée. Puis on y reviendra aussi, mais quelque chose qu'on a oublié de mentionner, puis comme tu l'avais dit, là, le lien avec Diablo, c'est les différentes classes de personnages qu'on peut incarner. Ouais, mais dans le fond, t'as quatre personnages. Quatre personnages, puis chacun des personnages a effectivement une attaque spéciale. Ben, y a, dans le fond, c'est que le core gameplay du jeu va être le même pour chaque personnage parce que c'est les mêmes quêtes, c'est les mêmes armes. Ça absolument. Va... C'est vraiment les habilités spéciales qui vont changer d'un personnage à l'autre. Fait que t'as le Gunzerker, quand tu l'actives, il devient fou, sa vie remonte, il tire partout, puis c'est comme... Ah, et puis à ce moment-là, il peut équiper deux armes, ouais, c'est peu ça. Importe le style en même temps. Oh, et fait que si tu as deux grenade launchers dans les mains, tu peux, tu sais, fait que... Ouais. Sauf que... À un moment donné, c'est un peu lent aussi à tirer. Là. Mais non, c'est ça. Fait que t'as ça, t'as la sirène qui fait en sorte qu'elle va prendre quelqu'un dans une boule d'énergie puis le tenir là pendant une période de temps, genre, je sais pas, je pense que c'est 10-15 secondes, je me rappelle plus. Ben en fait, t'es capable d'augmenter durée. Ouais, tu peux augmenter, là, mais en tout cas, pendant une période de temps déterminée, fait que tu peux mieux viser les... On a le soldat aussi, ouais. Qui utilise un turret. Ouais, c'est ça. On va déposer dans le fond un machine gun en quelque part qui va être utilisé comme quelque chose, tu sais là. Tu déposes une mitraillette là-bas là, puis ça fait un job pour toi finalement. Ouais, c'est ça. C'est comme quand tu disais genre c'était le laptop gun dans Perfect Dark que tu garochais ses murs puis ça faisait un turret. Là. Oui, exactement. C'est la même affaire. Ce genre d'affaire-là. Puis le dernier, c'est l'assassin. Donc, ouais, il a une spécialité avec le camouflage. Il peut devenir invisible quelques secondes pour... en fait, il va créer un alias devant lui. Ouais. Qui va distraire les ennemis. Puis ça nous permet d'arriver par derrière et puis faire un melee kill avec beaucoup plus de points à cette attaque-là. Ouais. Tu vois, moi, j'ai bien gros joué. Ben, en fait, le personnage avec lequel j'ai le plus joué, puis j'ai fini mon premier walkthrough, c'était le Gunzerker. Parce que justement, je trouvais ça trop pratique d'avoir la vie qui remonte, ouais. Quand tu fais ton spécial. Parce que souvent, t'es dans une situation où t'es à la limite de ta vie, puis tu trouves plus d'items pour te healer. Fait que ouais. T'as pas le choix, tu fais ça. Fait que je me disais, avec d'autres personnages, je serais probablement mort beaucoup plus souvent qu'avec le Gunzerker. Ben, moi, tu vois, mon premier walkthrough complet, c'était avec le soldat. J'adore utiliser le turret. J'adore upgrader le turret parce qu'il devient de plus en plus fort et puis monstrueusement plus fort. Mais ma tactique, peu importe le personnage que j'utilise, c'est de toujours avoir un perk qui me permet de régénérer ma vie, peu importe. Parce que ça, ouais. Ça existe. En plus de la panoplie d'armes qu'on a, on a quatre cases dans lesquelles on peut choisir certains articles qui vont nous personnaliser davantage. Donc, dans le cas d'un assassin, ou dans mon cas aussi, là, genre le soldat, comment est-ce qu'il appelle ça? C'est des classes choses. Classes... Ouais, j'ai oublié le terme. Quelque chose qui a rapport avec la classe. Fait que c'est propre à toi. Dans ton walkthrough, tu peux ramasser de ces articles-là pour les autres classes. Évidemment, tu peux pas les équiper, donc t'es vent pour le cash. Wow, ouais. Mais ça va upgrader les habiletés qui sont propres à toi. Ouais. Puis il y a aussi d'autres affaires qui ont rapport avec juste ta santé générale. Fait que moi, de la minute que j'en pognais un qui était écrit dedans, Health Regeneration, je le mettais puis j'oubliais ça. Non, la seule fois que je le changeais, c'est si il me donnait un meilleur taux de régénération de vie. Évidemment. Mais c'est la seule chose. On va également choisir les boucliers, les shields. Ouais. Donc, qui vont nous procurer soit plus de vie, soit d'autres fois un petit peu moins de vie pour beaucoup plus de shields, soit des fois des shields qui vont générer des attaques électriques ou explosives quand il est complètement déplété. Ouais, vide. Vide. Et ou d'autres affaires comme ça. Des modes pour les grenades aussi, bien intéressant ça, parce que tu peux avoir quoi, là, une dizaine de modes de grenades différents. Oh, c'est vraiment. C'est excentrique. En fait, c'est ça qui est le fun, c'est que t'as tellement moyen de prendre des armes différentes pour ton style de jeu à toi que c'est dur de voir, mettons, deux personnes jouer avec exactement le même loadout. Là. Ah ouais. C'est vraiment, vraiment rare. Non seulement ça, je pense que même les armes aussi sont basées juste sur des valeurs qui sont attitrées à des skins quelconques. Fait que l'arme, en tant que telle, elle n'existe pas. Là. Tu trouves quelque chose avec les valeurs qui ont été attribuées au moment. Là. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que pour tout ce qui est customisation, je sais pas comment dire en français, personnalisation. Personnalisation, ça, voilà. Bon. Il y a peut-être une pièce qui va rentrer. Là. Non, c'est peut-être. On a fait notre BA. Là. Yes. non, c'est pour tout ce qui est de la personnalisation, vraiment beaucoup, beaucoup de stock. Vraiment, que ce soit le skin des personnages que tu peux avoir, que tu peux changer. Au fur et à mesure, tu vas trouver justement, mettons, une nouvelle coiffure que tu peux mettre à ton personnage. Voilà. Des nouveaux vêtements. Tu peux avoir aussi des nouveaux skins pour les véhicules que tu vas conduire. Oui, parce qu'il y a des véhicules dans Borderlands aussi. Il y a des véhicules aussi. Non, ça, il y a vraiment moyen d'avoir ton personnage à toi malgré tout. Est sûr que ça change pas grand-chose au bout de la ligne. Ça va en rien affecter les valeurs de protection et d'attaque non, de ton personnage ça. Que de mais changer. Mais quand même, tu peux avoir le personnage comme tu le veux. Puis non, ça c'est vraiment bien. Puis c'est quelque chose que j'ai apprécié de pouvoir juste dire... Mon Gunzerker, il avait un chapeau melon, puis il était quand même un peu trop classy pour genre le type de personnage, tu sais. Classy avec un chapeau melon, là. Ben, quand même, tu sais. Non, excuse-moi, j'ai vraiment pensé qu'il y avait une demi-pastèque à la tête. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là. Ben, là. Genre, mon nom mais... Gontran qui revient avec des phrases du Noël 98, là. Ah. Et pas là, et donc. Oui, il y a des véhicules. Bon, la conduite des véhicules, c'est pas la chose la plus intéressante au monde. Ça sert vraiment juste de se rendre d'un point A à un point B. On va parler de véhicules qui ont autant un turret dessus qu'une fonction de boost. Il y a deux types de véhicules. Un qui fait un petit peu plus roadster, un qui fait un petit peu plus, mettons, pick-up hillbilly qui va garrocher des barils ou des espèces de lames circulaires. C'est vraiment juste pour pouvoir avoir un gameplay véhiculaire. Il n'y a pas de course, une chance, mais il y a des endroits, il y a des maps, il y a certaines cartes qui sont super vastes avec des grands espaces ouverts. C'est que tu n'as pas le choix en fait d'utiliser les véhicules parce que c'est tellement large que pour te rendre du point A au point B, ça pourrait être vraiment long si tu tenais juste à marcher puis à courir. Puis si tu es à pied dans ces zones-là, les ennemis vont être en véhicule. Donc le défi de rester vivant, il est bien présent, puis des fois très difficile à accomplir. C'est pas la meilleure expérience de conduite dans un jeu, soyons francs. Ça se contrôle pas super bien. Ça se contrôle toujours mieux que le Mako dans Mass Effect 1. Ça, mais... oui. Oh que oui. Mais quand même, c'est pas super. Fait que, tu sais, moi, j'avais tendance à pas trop les utiliser, à part quand j'avais besoin. Tu sais, que c'était vraiment nécessaire ou que ça faisait partie d'une quête. C'est sûr que je trouve aussi le réflexe un peu de Skyrim, de quand je joue, de marcher le plus souvent possible parce que je veux tout découvrir comme... Ouais. Je veux trouver de quoi que je trouverais pas normalement en me promenant en char. T'sais. Mais contrairement à Skyrim, il y a pas de mini-icône qui apparaît sur la mini-map pour te dire qu'il y a un petit point d'intérêt ici. C'est vraiment une zone de la map qui va devenir... qui va se désassombrir si on veut, ça va juste révéler le outline. C'est un peu le principe du fog of war, là. C'est de cacher genre avec une brume ce que t'as pas encore vu, puis au fur et à mesure que tu le découvres, ben c'est ça. Mais il y a pas vraiment de caverne là, avec une quête dedans non, mais tu sais, des fois c'est juste pour dedans, comme là. Voir le paysage, puis tu sais, voir les petites crevasses, voir si tu peux trouver de quoi, si donc, y a un ennemi de caché ou, tant qu'on n'est pas allé là, on sait pas de quoi la carte a l'air, on sait pas si y a des trous, s'il y a des ponts, s'il y a des maisons. Faut juste se rendre là. Puis quand on y arrive, par exemple, ça peut être un immense complexe industriel avec des dizaines et des dizaines d'ennemis. Puis à chaque fois qu'on découvre ça, ça nous donne du XP. Ce qui nous amène à parler du leveling. Ouais. Parce que leveler dans ce jeu-là, c'est le core gameplay. Puis c'est la chose qui me fait revenir à ce jeu-là soir après soir, c'est le fun, tirer, voir les chiffres apparaître et devenir plus fort. Ben ça, ils ont vraiment pris le principe justement, des jeux à la Diablo, des MMORPG, puis de dire comme à chaque fois que tu vas tirer, puis tu vas avoir des critical hits, ça va paraître en gros. Pis... En rouge flash. Ah, c'est ça, juste pour la satisfaction de la chose. Ouais. Ça. Ah oui, oui. Puis oui. Non, ça marche, c'est cool. Puis ça, tout le système de leveling, qu'à chaque fois que tu prends un niveau, t'as vraiment un skill tree dans lequel tu peux aller mettre ton point. Ouais, puis attention, là, quand t'arrives à un nouveau level, là, le son que ça fait, puis le gros level up en jaune qui apparaît dans l'écran, là, c'est satisfaisant comme ça. Ah tu non, dis c'est à avoir. Sûr. Ah oui. Puis ça, fait que t'as quand même pas mal de trucs que tu peux mettre. Si je me trompe pas, t'as aussi des. T'as différents skill trees dépendant du type aussi que tu veux jouer de ton personnage. C'est-à-dire chaque personnage a un gros skill tree qui est séparé en trois branches, puis chacune des branches va affecter... Effectivement, fait qu'on va avoir un côté peut-être, mettons, pour le côté de l'assassin, là, un petit peu plus tactique, un petit peu plus sniper, parce que c'est ça son arme de prédilection. Dans le cas du soldat, il va avoir un arbre entièrement dédié à son turret, donc le turret va devenir de plus en plus dommageable. On va pouvoir ajouter un deuxième mitraillette dessus, éventuellement, on va même pouvoir ajouter des missiles. Donc, leveler le turret lui-même, là, ça devient un atout indispensable dans ton arsenal. Ouais, tout à fait. Puis, un autre aspect de leveling qui est fort intéressant, qui n'était pas là dans Borderlands 1, mais que dans le 2, qui m'a vraiment renversé, là, c'est les badass ranks. Ouais. Donc ça, c'est des petits points de plus. Des petits points de plus, c'est ça, c'est des petits bonus. Mais ouais. En gros, tu ramasses ça après avoir tué 50 d'un ennemi, 25 d'un autre, 100 d'un autre. Quand tu as trouvé les 6 ou 7 secrets dans cette carte-là. Dans le fond, c'est pas compliqué, c'est un achievement qui te donne vraiment de quoi à une game. Effectivement, ouais. Parce que les achievements, d'habitude, ça te donne sweet fuck all. Là. Ça fait juste te dire, hey, bravo, t'as réussi, puis t'es comme okay. Ouais, c'est ça, t'as un trophée. Mais là, dans le fond, au lieu de te donner un petit achievement Xbox que tu vas être content d'avoir, ben là, ça va vraiment te donner de quoi dans le jeu que tu vas pouvoir utiliser. T'sais. Ouais, donc quand on arrive à un certain nombre de badass ranks d'accumuler, on va se faire attribuer un badass point qu'on peut dépenser. Puis quand on décide de dépenser le badass point, on va avoir un choix à faire dans 5... on nous donne 5 choix finalement. Ouais, ça, c'est pas toujours les mêmes. C'est toujours random, puis on décide, mais à travers tout le jeu, on va pouvoir décider qu'est-ce qu'on met en face de ça. Oh, ouais, des fois, ça peut être plus de reload speed, ça peut être plus d'armure, plus de, finalement, plus de tout. Plus mais de tout, tout le temps. Ça dépend vraiment comment tu veux le builder. Tu sais, moi, j'essaie toujours de privilégier le... Je pense que c'est le reload speed, le fire rate, puis l'armure, quelque chose du genre. Fait que ça veut dire que je tirais hyper vite, je reloadais super vite aussi, puis c'est comme ça, ça n'arrêtait plus. Pour l'assassin, ce qu'on veut faire, c'est augmenter le melee damage, ouais. Puis le critical hit point damage aussi, parce qu'avec le sniper, ben quand on vise la tête, là, on veut que ça fasse mal. Non, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Fait que tout ça pour dire? Non, mais... fait que le style de leveling est bien cool, mais ce qui m'a vraiment marqué dans Borderlands, c'est tout ce qui est script, dialogue, personnages. Palais. Parce que c'est ça qui fait le jeu. Parce que honnêtement, si on enlève tout ce qui est dialogue, tout ce qui est script, tout ce qui est l'histoire du jeu... Personnage, la narrative, là. Le jeu est vraiment pas aussi cool. C'est vrai. Qu'il pourrait l'être. C'est vrai. Le jeu a sa propre personnalité, puis tout passe par les personnages. Oh oui, c'est fou. Puis, tu sais, autant les... En fait... Je dirais les quatre personnages qu'on joue ont peut-être moins de personnalité. Ils n'ont quand même une, mais c'est vraiment des personnages secondaires qu'on va rencontrer au fur et à mesure qui vont être vraiment, vraiment drôles. Personnellement, je pense que celui qu'on incarne est le personnage secondaire. Ouais, c'est ça, exactement. Tous les autres sont ceux que tu veux vraiment aller rencontrer parce que leur personnalité est au-delà de la flamboyance. Non, c'est ça. Fait que tu sais, en partant avec Handsome Jack, le boss qui est vraiment super exubérant, super, tu sais, très charmeur, puis, tu sais, super sarcastique comme personnage. T'as Claptrap qui est comme ton compagnon qui est... Il fait toujours super pitié, puis il est pathétique, mais on l'aime, là. Non, c'est ça, exactement, puis... Il va toujours te niaiser tout le temps parce que tu es juste un humain pathétique, puis lui c'est un robot, fait qu'il est toujours meilleur que toi. T'sais. Mais non, c'est vraiment bien. Puis tous les autres personnages, en gros, c'est des mission givers aussi. Là. Quand on arrive dans une map, il y a toujours un personnage prédominant de la map, un peu comme le seigneur de cette région-là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est genre le personnage qui run la place un peu. Si en quelque part, ouais. Puis c'est à travers cette personne-là qu'on va se faire dire ben, moi, cette gang-là, je l'aime pas, va les tuer, ou ben, hey, j'ai perdu ça, va me le chercher. Mais à chaque fois qu'on fait ces missions-là, on revient au personnage pour réclamer son dû. Les lignes de dialogue sont. Absolument succulente. Ah, moi, je ris tout le temps. Non, c'est ça. Ma personnage préféré, là, c'est Tiny Tina. Tiny Tina, c'est. Il n'y a même pas de doute. Je pense que c'est le personnage préféré de tout le monde. Oh, oui. C'est une petite fille de quoi, genre 12 ans. 13-14 ans. C'est là. Ça, là. Puis. Experte en démolition. Experte en démolition, puis super. Trop sociable. Tu sais, c'est. Ouais, c'est, ouais. C'est ça, là. Tu sais, elle a pas mal vécu toute seule toute sa vie, fait qu'elle deal ça comme elle peut, puis non. Et pour elle, c'est normal d'avoir un tea party avec deux toutous, puis un méchant attaché à une chaise électrique. Oh, ouais, puis elle est super violente, c'est ça, c'est le clash qui qui arrive là, parce que tu vois la petite fille, tu te dis, OK, ça va être tranquille, puis tout ça, puis non, elle, oublie ça, ça peut faire mal à quelqu'un, elle va le faire. Mais seulement si la personne le mérite. Oui, ben oui. Elle a quand même une morale. Oui, elle a une morale. Mais quand même, si la personne, c'est un méchant, ça se fait pour la claque. Ah, c'est ça. Ce qui nous amène à parler d'un autre élément de la narrative du jeu. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi l'archange comme bière? C'est que dans le jeu, Angel, qui est un peu l'intelligence artificielle ou l'âme, la Gaïa de toute la planète, mais qui malheureusement est contrôlée par Handsome Jack. Ouais. Fait que quand Handsome Jack a compris que cette intelligence-là contrôlait toute la planète, en la contrôlant, il était capable de trouver plus d'indices plus rapidement pour trouver l'emplacement du fameux vault. Yep. Donc, Archangel, ou juste Angel tout simplement, Angel a un rôle bien important au niveau de pourquoi on fait ça et où on doit aller pour nos prochaines quêtes. Ben c'est elle, en fait, qui... Tout tourne autour de toi. Ouais, c'est elle qui te guide à travers le jeu, qui te dit « Ah, faut que tu fasses confiance à telle personne, faut que tu ailles là, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. » Ce qui est super bien fait, par contre, c'est qu'à chaque fois qu'elle va communiquer avec nous autres, c'est juste dans le top de l'écran, t'as genre un petit vidéo qui joue, puis c'est juste son visage, puis tu vois même pas ses lèvres bouger ou quoi que ce soit. C'est des... C'est comme une vision qui apparaît. Non, c'est ça exactement. Puis elle va juste te dire ah, OK, tu peux faire confiance à cette personne-là, celui-là, puis tout ça. Ouais. Ce qui est un peu le début avec Claptrap, parce qu'au début, Claptrap, il t'envoie littéralement promener, puis il est hyper détestable. Puis elle te dit non, faut que tu lui fasses confiance, continue de le suivre. Ça va être ton allié. Non, c'est ça. Je sais qu'il est con en ce moment, là, mais écoute-le. Ouais. Fait que tout au long du jeu, c'est vraiment elle qui va être comme la ligne directrice pour l'histoire principale puis les quêtes principales finalement. Ouais. Puis contrairement à tous les autres personnages qui, eux, quand ils nous parlent via la radio, ben ils vont avoir un icône dans un coin supérieur gauche ou droit. Là, je me rappelle plus de l'écran, où est-ce qu'on va avoir une image à leur visage avec juste une petite ligne là, qui montre une wave là, radio qui rentre. Mais c'est ça, les personnages, ils sont le fun. Ils sont bien réalisés. Le voice acting est débile dans ce jeu-là. Moi, à eux autres, je leur lève mon chapeau. Là. C'est un des meilleurs jeux vidéo en termes d'histoire à raconter de la manière qu'elle est racontée aussi. Bah, malgré qu'on fait juste tirer sur tout le monde, le gameplay tourne autour de ça. Mais ce qui est fun, c'est de devenir meilleur puis de voir les nouveaux ennemis. Parce qu'une affaire qu'on va embarquer dedans maintenant, c'est la diversité des maps. On survole à peu près tous les clichés. Je me sens entre guillemets. Ouais. Lava zone, ice zone, water zone, desert zone. Tu sais, là, on c'est les fait toutes. Les biomes de base. Là. Exactement. Puis chacun des personnages associés à ces biomes-là, si on veut, ils ont une personnalité qui va avec. Oh, ouais, ben oui. Puis ça aide justement à raconter l'histoire qui tourne autour de non seulement toute l'histoire principale du jeu, mais l'histoire personnelle de ces personnages-là aussi. Oui, parce que ça, tu te rends compte justement avec des personnages comme Tiny Tina que c'est pas juste un quest giver, il y a vraiment de quoi de plus en arrière. Ouais. Puis ça, puis c'est le fun parce qu'ils réutilisent beaucoup ces personnages-là au fur et à mesure que le jeu avance. Puis c'est rare que t'es perdu de vue, tu sais. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Sauf si c'est des personnages entièrement tertiaires, là, qui ont un peu moins rapport. Des fois, on a toujours besoin d'un bouche-trou, là. Mais généralement, les quest givers des principaux des zones sont pas mal tout le temps là. Fait que ça, on aime ça. Ouais. On aime ça. Les références dans ce jeu-là, tant qu'à parler de narrative, ben, là, il y en a, sans bon sens, les Tortues Ninja sont là. Ah, écoute, on dit ça juste parce que le film au cinéma en ce moment, on l'a pas vu, puis apparemment... C'est de la merde. Ouais, c'est ça. Non, si on est capable... De toutes les listées, là, je pense qu'on écrirait un livre. Il y a du stock en maudit. Puis ça qui est gros, c'est que c'est le genre de truc que tu verras pas nécessairement à première vue. C'est vraiment souvent dans des quêtes un peu secondaires, puis du sucre, qui vont avoir vraiment comme quelque chose de pop culture qui va arriver. Et c'est constant. Il y a pas de moment mort là-dedans. Là. Non, c'est ça. Puis ça va même aller jusque dans les DLC parce que. Il y a eu plusieurs DLC qui sont sortis pour le jeu. Ouais, dont des nouveaux personnages. Ouais, c'est ça. Mais t'avais le DLC de Tiny Tina qui était dans le fond une espèce de parodie de Donjons et Dragons. Puis c'était Bunkers and Badasses au lieu de Donjons et Dragons. Puis, tu sais, c'est toujours constant. Il va toujours avoir des références du type. Puis, non, c'est vraiment cool. Ouais, ouais. Donc, ça fait du bien. C'est rafraîchissant de voir ça dans un jeu. Parce que d'habitude, tu sais, les compagnies vont être hyper... Comment je pourrais dire? Frileuses. Ouais, frileuses à intégrer quelque chose du genre pour c'est le côté légal, les poursuites. On veut pas blesser les gens non plus. Mais dans le cas de Borderlands, quand ils le font d'une manière qui... passe, qui est plus un hommage en fait qu'une référence. Oh oui, tout à fait. Fait que ça passe bien, puis non, j'ai jamais eu de problème avec ça. Ça brise un peu le fourth wall qu'il appelle. Ouais, effectivement. Mais en même temps, c'est jamais déplacé. T'es pas comme pourquoi c'est là, tu sais. Ouais. C'est le genre de truc. Le contexte se prête au jeu pour ça. Oui, c'est ça, exactement. Parce que le reste du jeu est tellement over the top, est tellement ridicule, est tellement drôle. Oh, tu vois ça, puis t'es comme. « Ah, OK, ça fait partie de l'univers, c'est correct, c'est drôle, puis tu sais, t'embarques dans le game, mais sûr que si t'aurais vu le même genre de Easter egg un peu dans un jeu plus sérieux, t'aurais peut-être fait « pas sûr, tu sais. » Ouais, c'est ça, c'est comme vouloir être moins sérieux, mais là, ça brise l'immersion de ce jeu sérieux-là, mais dans le cas de Borderlands, vu que c'est aucunement sérieux, mais à aucun moment. Non, c'est ça, tout peut arriver, puis tout est permis, là, ouais. Fait que pour en revenir au monde et aux maps, c'est quand même une bonne quinzaine de cartes différentes, si c'est pas proche du 20, qui varie d'un long couloir vers le boss final, par exemple, là, ça veut pas dire que c'est exactement ça, à des places désertiques qui sont hyper vastes, d'où l'utilisation... du véhicule. Important des véhicules, c'est ça. Puis, tu sais, chacune des maps va avoir une bonne classe bien spécifique d'ennemis qui sont propres à ça. Puis au début du jeu, au début de l'épisode, on parlait des ennemis, puis j'avais même pas eu le temps de passer aux autres sortes d'ennemis. On a des animaux contre nous autres. Il va avoir des gorilles, il va avoir des chiens, il va avoir ce qu'ils appellent des fire ants ou en fait, des espèces d'insectes à quatre pattes qui sont de la taille d'un ours hippopotame. Il va avoir des espèces, il appelle ça les chrysalisques. C'est des espèces de grosses bébites rocheuses à trois pattes qui sont full payantes quand on les tue. Puis chacune de ces bébites-là a toujours sa place dans ces cartes-là. Ah oui, c'est comme je dis, c'est des biomes, tu sais, fait que si tu vas dans un endroit désertique, tu vas avoir des ennemis qui vont avoir l'air de fitter là-dedans. Ouais. C'est pas juste, on plug les henchmen par rapport que tout le monde s'en fout. Non. Puis un autre chapeau à la créativité des ennemis aussi, qui est non seulement varié, mais qui fonctionne. On croit à ces ennemis-là, à cette planète-là. Moi j'aime ça. Les cartes aussi, bon, tu sais, il va avoir un petit peu de fais ça, je te donne la clé, tu peux ouvrir telle porte, mais pas tout le temps. Mais il y a surtout à chacune des cartes un petit secret à découvrir qui va nous donner des badass ranks pour éventuellement devenir plus fort. Ce qui nous amène à parler autant à investir dans ce jeu-là parce que c'est pas quelque chose qui se finit en dedans de 30 heures. Non. Impossible. Juste la quête principale, moi, je pense que je peux passer facilement 35 à 40. Ouais, c'est ça. Ça dépend toujours comment tu le joues. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va juste se dire « Fuck it, moi, je fais juste l'émission principale puis je touche pas au reste. » Probablement qu'il peut le finir en comme 15-20 heures là, s'il fait juste toucher à ça. Là. Ouais. Mais pour le joueur régulier qui va quand même aller faire une couple de petites side quests de temps en temps puis tout ça, ouais, à peu près un 30-40 heures facile. Je veux dire, moi, j'ai mis... Je pense pour le finir, j'étais rendu à 48 heures à peu près. Fait que, mais j'avais fait quand même pas mal de side content aussi. Ah ouais. Fait que, dans mon cas, j'ai fait à peu près tout le side content que je pouvais. J'ai essayé de tout trouver ce que je pouvais. Jusqu'à un moment donné, je me dis, bon, OK, il est temps que je finisse pour je vais recommencer une nouvelle partie avec un autre personnage dans une autre classe pour essayer autre chose. Là. Ça a dû me prendre un bon 60. Ah ouais. Parce que j'ai adoré jouer à ce jeu-là. J'ai adoré level it up. J'ai adoré toutes les missions, toutes les places, les personnages. L'économie aussi qui est quand même correcte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on meurt souvent. Puis quand on meurt, tu perds de l'argent parce que tu es comme tu utilises, c'est ça, tu utilises le service de ressuscitation de la compagnie Perion qui est sur place. Donc, avec un prix nominal. Dépendamment, ben, je pense que ça fonctionne par pourcentage de ta... En fait, plus souvent tu meurs, plus que tu vas payer. Fait que quand ça fait genre 12 fois que tu meurs dans la même mission, ben là, à un moment donné, tu vas payer un plus gros montant que si c'était juste la première fois. L'inconvénient avec ça, par contre, c'est que ça nous force à faire beaucoup plus de loot, beaucoup plus de grinding pour aller chercher le plus d'items à vendre puis à ainsi. Ah, c'est sûr. Là, en même temps, je te dirais, tu sais, j'ai rarement été en manque de cash dans le jeu, tu sais. Ça, non, mais c'est frustrant. Là. Quand c'est la troisième fois que tu meurs en quelque part puis tu vois ça passer de 2000 à 3000 à 4000, c'est chiant un petit peu. Non, ça, je suis bien d'accord. Ouais. Des innovations par rapport à Borderlands 1, ben tous les éléments de Borderlands 1 sont présents, c'est-à-dire on peut voir ici et là des barils d'électricité, explosifs, feu, d'acide, mais il y en a un nouveau dans Borderlands 2 qui est le slack, une espèce de substance mauve qui permet aux personnes atteintes de cette substance-là de prendre plus de dommages, autant le joueur que les ennemis avoisinants. Dans le fond, ça affaiblit. Ça les affaiblit, tout simplement. Et puis, les armes à feu peuvent aussi avoir de cet élément-là. Fait qu'on peut avoir quelque chose qui est bien pratique. Par exemple, ça serait des grenades slag qui va juste répandre du slag sur tous les ennemis. Puis, on peut utiliser un assault rifle qui tire du feu pour, ainsi dire, juste détruire tout le monde. Puis, au niveau de l'économie, là, on a débarré enfin. C'était quoi, là, la fameuse substance miracle ou qui... Tu sais, l'or là-bas, c'est de l'iridium. Ouais. C'est ça qu'on ramasse, et puis c'est avec l'iridium qu'on s'achète les upgrades pour la quantité de d'objets qu'on peut traîner. Ouais. Puis c'est tous les trucs vraiment plus core, si on veut. C'est ça, là. C'est ça va être upgradé juste en vraiment allant chercher de l'iridium. Qui n'est pas donné souvent, mais des fois, c'est des récompenses de quête. Des fois, on en trouve en certains ennemis. Plus que tu avances dans le jeu, plus qu'ils t'en donnent souvent aussi. Parce que plus que les derniers items à acheter sont dispendieux. Ouais, il y a ça. Puis tu sais, justement, je pense que vers la fin, tu as comme une mine d'iridium, quelque chose du genre. Tu sais, comme une map qui est pas mal autour de ça. Fait que tu commences à en ramasser pas mal plus là. Mais non, c'est vraiment... l'économie marche bien. J'ai jamais eu de problème avec. C'est très intéressant. Ça, tu as aussi les... On n'a jamais trop de cash. Non. Puis on n'en a jamais pas assez. Il y a une belle balance. Fait que quand on a des guns à acheter, on a un choix à faire. On est-tu plus comme ça ou comme ça? C'est la quantité d'argent. C'est pas la quantité d'argent qu'on a qui va déterminer qu'est-ce qu'on achète. C'est comment est-ce qu'on veut jouer qui détermine qu'est-ce qu'on achète. Genre. Contrairement à d'autres jeux, genre Assassin's Creed, où est-ce que t'as juste du cash à n'en plus finir? Puis c'est ça. T'arrives dans le shop, t'achètes tout, là, puis c'est comme ok, j'ai mais je m'en servirai pas. Non, c'est ça. Ce qui nous amène à la gorgée de la fin. Ben quand même, parce que avec le temps qui passe. Moi, ce que ça veut dire, c'est que c'est concluant. Borderlands 2, on y retourne. Ah ben toujours. Moi j'ai adoré ça, puis je pense qu'en finissant ça, là, je vais décanter ma bière dans un filtre pour aller chercher la petite clarté que toi t'as puis que moi j'ai pas. Ouais, c'est ça. C'est une farce, on l'aime beaucoup. Pour une blanche, bonne, balancée, bien ronde, pas d'arrière-goût, un petit côté céréalé qui est là, mais sans nécessairement être déplaisant. Je vais définitivement la réessayer sans explosion geyseresque, je dirais. Toi? Je trouve ça bien. Comme je dis, moi, je suis un gars plus de bière qui punch un peu. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est pas ça vient pas nécessairement... c'est pas dans mes cordes, tu sais. Ouais. C'est pas exactement... C'est pas dans ta barrique qu'on dit. D'accord. Donc... Le silence voulait tout dire. Vous auriez dû voir les yeux, ils voulaient me tuer, t'es cœur. Non, mais c'est ça. Fait que, mais j'apprécie quand même, comme je dis, c'est une bière qui est facile à boire. Tu sais, je prendrais ça avant de prendre genre une Bud, mettons. Tu sais. Ah, ben oui. Comme 100 fois. Là. Ouais. Ben, en tout cas, pour une. Ça se rapprocherait d'une bière d'été par sa douceur. Ah oui, ben oui. Ben, d'habitude, c'est sûr qu'une blanche, ça se pourrait être toujours une bière d'été. Puis non, elle fait pas exception à la règle. Là, c'est vraiment ça. Excellent. Donc, on vous rappelle que Borderlands, the pre-sequel, donc une histoire qui se déroule entre Borderlands 1 et 2, mais qui sort après le 2, va paraître en quelque part en automne. On n'a pas la date exacte. Moi, je me rappelle plus exactement. Ça se déroule sur la lune de Pandore. Il va y avoir 4 nouveaux personnages incarnés dans 4 nouvelles classes, dont Claptrap. Ouais. On est bien content de ça. Moi, c'est sûr que je me claque un walkthrough complet avec lui en partant. Juste pour ça. Puis je me repars tout de suite un autre walkthrough après avec Wilhelm. On aime ça. Il est dans Borderlands 2. On en reparlera si ça vous tente. fait que verdict. Verdict, ben moi je dis Borderlands parce que Borderlands. Puis c'est tout. Il y a pas d'autre chose à rajouter parce que j'ai passé tellement d'heures là-dessus puis je suis toujours pas tanné. Je retournerai n'importe quand, puis c'est toujours aussi le fun. Fait que, puis c'est pas que la bière est mauvaise, mais Borderlands, c'est Borderlands. T'sais. Voilà, Borderlands, pour moi aussi, c'est personnellement mon meilleur first-person shooter que j'ai jamais joué et qui dépasse de loin les autres que j'ai bien aimé dans la vie. Et voilà, ce qui conclut ce fabuleux 10e épisode officiel de la barrique numérique. Hey, on est... On est bien content que vous ayez été là et aussi fidèle avec nous depuis tout ce temps. Ben, qu'un. On vous aime beaucoup. Ben, tu sais. On va continuer ça. Ben, certain. Parce que... tu sais. Effectivement. Mm-hmm. Encore plus. Mm. J'ai faim. Fait que, ben, on vous invite à peser sur pause et à cliquer sur continue et puis on se revoit la prochaine fois.